Mais la vie n'est pas sexy. Balance tout, tu finis dans la saxon. Il veut 50, j'y rajoute, y'a 47-6. J'entends des klaxons et sur moi j'ai le sax seul. Ferme la porte, il faut que tu verrouilles l'accès. On a arrêté de compter les mauvaises actions. On finit sur le terrain numéro 10 dans l'axe. Ça veut gros qu'à vue, paire de talons. Dans un gros cul, port d'Italie. Pour l'instant, charbonne pour des talents. Je vais chercher ma graille, je croise les portes de talent. Tu sais qu'on gère comme sur la moto. 3D118, en photo, c'est la mi-temps. Y'a aucun mytho. Je reprends nos tissus, c'est bon, j'appuie sur mute. Grosse bouteille, au biberon, terre, terre. Gros filon, sous le feu, gros bidon. Bécane, gros guidon. Sinon, rabat de gros pilon. La pécage se lève sur l'allée. Les comtés sont là en retour. Deuxième plus sur la ligne. Si c'est plus chaud, c'est bon, on retire. Dans la zone, je mélange chiton et cigarette. Le guetteur alerte, y'a les cifs garés. Pas de message sur ma cime, arrête. Tout se passe en sous-marin. Si tu savais que j'ai des grammes cachés sous ma haine. Passe au stand, je fais frotter le béton. Le temps passe, amène à quoi? Sans qu'un bien gros, cette image qui mène encore. Les bleus, regarde, c'est la semaine à qui? Pendant que sous leurs yeux, le gérant ramène encore. La peu froid qu'elle est dans son calme. Si j'attends, ça sent comme 100 kills. On connaît les bolos sous cam. J31, j'ai téléphone sans fil. Elle pue sa mère, sa soirée sans folle. À croire, j'entends du plus direct, on s'enfuit. Plan bombé, t'inquiète, on s'en sort. Charge du comico, la terre, elle s'ensuit.